En début d'après-midi, j'ai ouvert une bière nonchalamment. J'ai bu ma bière en écoutant les vents passer. J'ai bu ma bière en moins de 20 minutes. J'ai bu 5 autres bières. Je devrais pourtant être heureux. Les vacances commencent enfin, le ciel est bleu. C'est la fin de mon bac, l'école est finie. Fini le secrétariat et les jolies filles. Ça fait pourtant 4 ans que j'attends cette fin. Aujourd'hui elle est là et je reste sur ma faim. C'est peut-être parce que cette jolie blonde aux yeux bleus, cette jolie fille de qui je suis amoureux, qui ressemble à une poupée grâce à ses cheveux, ses cheveux blonds qu'elle remue devant mes yeux, ses cheveux blonds qui font lever ma queue, ses cheveux blonds qui impressionnent même les cieux, ses cheveux blonds qui me font croire en Dieu, ses cheveux longs qui me font devenir Mathieu, ses cheveux blonds qui me font devenir heureux, qui me font croire que je pourrais coucher avec les filles Hélène, Sarah, Maria Carré. Tout ça n'est qu'illusion, loin de la vérité. Je me console en écoutant de la variété. Je bois de la bière et lorsque je suis bourré, j'ose draguer cette jolie blonde, j'ose lui parler. Elle me répond que je suis loin de la vérité. Elle me trouve moche et ne veut rien concrétiser. Elle me trouve drôle, c'est bien là ma fatalité. Le 23 août peut-être je me suiciderai.